Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 22 décembre 1963, trois ans après cette citation ici. Paragraphe 185. Et dans une fonderie, quand un homme fabrique une cloche, il doit l'amener à rendre un certain son. Quand il prépare son moule et il verse le métal, il met tant de rein, tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi cela? Il connaît exactement les proportions à mettre dans là-dedans. Ils vont lui donner le son qu'il faut. Lui, c'est un fondeur. Un travailleur du métal qui fond le métal. Il travaille dans une fonderie. Et lorsqu'il veut fabriquer une cloche, selon le but pour lequel la cloche doit être fabriquée, il doit connaître le timbre du son que la cloche doit émettre. Si ce sera un son très fort, ou il veut une cloche à un son ma, quand je cogne ici sur le bois, un son, retenez, mais quand je cogne sur la Bible, un autre son. Et si je cogne ici sur le feutre, c'est un autre son. Alors dans une fonderie, là où l'on produit des cloches, des trompettes même on en fabrique, de flûte pourquoi pas, et des guitares, oh. Parce que c'est des instruments qui doivent produire des sons. Quand on les fabrique, il y a des normes. Les quantités de chaque matière qu'il faut mélanger là-bas. Dès que vous dépassez une quantité, il y aura un résultat négatif par rapport à ce que vous attendez. Il faut mettre à chaque étape juste ce qu'il faut. Quantité de rein, quantité de fer, quantité d'or ou de cuivre, la taille de cela, la forme à donner au petit canal ou la tubulure qui doit sortir, là on doit mettre le souffle. Ou le bout qui doit dégager le son au bout. Il y a des quantités précises. Que le son soit ce que le fondeur veut obtenir. Et voilà. Une cloche, par exemple, dans une église catholique. Des cérémonies de la communion à la manière catholique. Et les mains certains sont. Et vous savez que c'est ça. Les acolytes sont là alignés avec l'assassin romain. Baliki Moulongo est quelqu'un qui est très assorti, commence à avaler la salive. Viens-toi, Koli Eliba. Dans la messe catholique là. Et ba oyo, ba sungi, ba moupe, n'est-ce pas, la cloche là a sonné. Et ce qui moi. Je vais vous demander, est-ce que c'est là le même son et le même genre de cloche que vous avez au sommet de la cathédrale? Et qui réveille les mamies d'immigrés catholiques le matin, à 5h du matin. Oui, Gobon, même si tu es loin là-bas au quartier. Ah, mais tu pour la mon cagana qui est négatif. Et la messe est coquille. Tongo, comment la couleur est Yéwana qui est une messe. Parce que Ngongande est la moussillée. Une très grosse cloche là, si tu es très haut, pour répandre les sons à distance. Mais quand on arrive au moment de partager la communion, alors les acolytes viennent avec une petite cloche. Et ça, c'est Le Seigneur soit avec vous. Et quelqu'un nous avale beaucoup de gorgées de salive à la fois. Voyez ça. On est là quand on lisait petits enfants, on aimait des petits jeux comme ça. On va à la messe, on va voir les scènes du prêtre, et puis il vous appelle pour aller manger la messe. Et moi je me souviens, moi j'ai été élevé dans l'éducation protestante. Hein. Mon père n'était pas un catholique. Mais il m'a étudié dans les écoles catholiques. On nous amenait là-bas comme des écoliers. On commençait à discuter. Est-ce que vous, les protestants, vous allez manger aussi la communion? À un moment, j'ai dit, oh, oui, mais pourquoi vous voulez seulement discuter? Vous voulez manger seulement pour seul? Non. À ce moment-là, une fois, vous allez là-bas. Le prêtre a commencé, il a fait, moi, je me souviens un jour là, je suis allé. Je n'avais pas pris le baptême de communion catholique. Je suis allé quand on appelait les gens. Comme toujours. Puis je me suis pointé là. J'ai jeté le regard au prêtre. Il m'a regardé d'un œil bizarre. Alors moi, je voulais fuir pour retourner. Puis j'ai dit non. Après tout, est-ce qu'il y a un baye par une agape catholique qui était? Et puis après, il a pris la communion. Il a donné. Puis j'ai pris, puis j'ai pris. J'ai regardé les amis à côté. Puis je commence à marcher lentement. Voyez frère. Oui, madame. Et puis, je suis resté debout, aussi poli que possible. Et puis j'ai regardé le prêtre, il ne me regardait plus. Nathalie. Ah, il n'a pas compris. J'ai mangé ça. Et ça goûte comment? Mon problème c'était la curiosité. Je veux aller aussi un peu voir. À quoi ça ressemble? Le prêtre et puis les amis. Et puis après. Alors ils m'ont dit, mais toi vraiment tu. Est-ce que vous avez pris dans notre église? J'ai dit, cessez de discuter. Nous avons déjà tous mangé. C'est terminé. Maintenant, vous voulez quoi? Si vous vomissez ça? Et c'est s'il faut que nous vous êtes vous là? Que Dieu soit béni. Hein? Ah, mais voilà. Donc, il y avait une cloche qui signalait ça. Et c'est un petit son aigu. Mais pour réveiller les gens 5 heures, un gros truc là, très gros. Quand ça commence, le Dieu là, il tire toujours, il tire. Même si vous priez qu'il puisse arrêter, il continue à tirer toujours. Et vous êtes obligé d'aller à la messe. Alors, dans une sonnerie. C'est le fabricant qui sait à quoi il destine la cloche qu'il veut fabriquer. Et le genre de son qu'elle doit émettre. Alors il faut que le mélange soit approprié. Quand il doit fabriquer une sonnerie de violon. Moi qui pour vous, les enfants, vous avez les vélos, il y a une cloche, non? Et pour vous qui avez votre voiture ou votre moto, il y a un klaxon. Mais le problème, est-ce qu'on les fabrique de la même manière? Est-ce que c'est la même matière cette fois? Pas de faire selon le genre de son qu'on veut avoir. Et que ça n'y peut pas la carte qui doit le lignet. Alors si on veut fabriquer une sirène. Il doit aller là-bas sur la route. Et tous les véhicules doivent libérer. Elle est laissée passer, c'est l'ambulance qui part. Les forces de l'État, cortège. Un autre genre de son. Et lorsqu'il sort, n'importe qui est un peu informé doit savoir que ce n'est pas la cloche de l'église là-bas qui l'a venue. Ce n'est pas la cloche de communion qui sonne. Mais ici c'est un cortège des officiels de l'État. Et c'est le fondeur qui fabrique tout ça. Que Dieu soit béni. Nous aussi, nous avons un fondeur et c'est notre Dieu. Nous sommes tous à la canoë, là. Il est le potier et nous sommes l'argile. Il le sait quel genre de son l'église doit émettre. Alors c'est lui qui façonne les siens. Et qui façonne chaque don, chaque croyant. Chaque membre du corps de Christ. C'est Dieu qui les façonne. Pour que nous émettions ensemble des sons harmonieux. Nous ne sommes pas tous destinés à la même chose. Nous ne sommes pas censés faire exactement le même travail. Nous ne sommes pas censés reproduire tous le même ministère. Non, mais la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 12. L'Écriture dit au verset 5, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et au verset 29, tous sont-ils apôtres? Réponse bien sûr, ce nom. Tous sont-ils prophètes? Réponse bien sûr, c'est non. Tous sont-ils docteurs? La réponse encore, c'est non. Voilà. Namolova Tukumbele Nalibua. Nabongo. Nous sommes dans l'inde d'Antoma. Et y'a nous allez te bongoté. Nous sommes dans sa colle. Et y'a nous allez te bongoté. Nous sommes dans la tissu. Et y'a nous allez te bongoté. Nous sommes dans la tissu. Et y'a nous allez bongoté. Tous ont-ils le don de miracles? Yango nous sommes allés dans le cabo et qu'on s'en a mis à la Nanguya. Ah, c'est le verset 30. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Bien sûr que non, non chaque fois. Nous sommes allés dans la petite opération. Nous sommes allés dans la petite opération. Nous sommes allés dans le cabo, dans le bandé, dans le bandé. Nous sommes allés dans le colimbo, dans le il y a nos alertes, ils allaient bon mot. Le verset 31 enfin. Aspirez au don le meilleur. Amen. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Boluka, n'amposa makabo, makolekaka na malamu. Na komunisa kabino nzela oyo, eleki, nyonso na malamu. Ne komoko, tango ne kubrena mazalaki. Frère, a posé une question au prophète. Au sujet de son verset 31 ici. Quelle est cette voie par excellence dont l'apôtre Paul parlait? Pour accéder au don les meilleurs. Pour connaître la fameuse voie par excellence. On arrive à emprunter cette voie-là pour parvenir au don les meilleurs. Et le Bonhomme nous dit, il s'agit de l'amour divin. Amen. C'est-à-dire la thématique amen. Du chapitre 13 qui vient juste après le verset 31 du chapitre 12. C'est l'amour divin. Et alors, vous savez que Frère Branham a dit que si les dons, quels que soient les dons que vous pouvez avoir, mais si ces dons ne sont pas cimentés par l'amour, ils ne seront jamais efficaces. Je prends encore une parenthèse dans la prédication, l'ordre de l'église. Du 26 décembre 1963, L'ordre des églises. Le paragraphe 31. Maintenant, voici ce que je propose pour le Branham Tabernacle. Étant donné que nos dons que nous trouvons, nos dons, et que nous avons ici quelques personnes avec des meilleurs dons, bien, chacun de ces dons est un ministère en soi. Et le ministère est entendu ici comme un service. Non pas en tant qu'un ministère qui dépend d'un appel au ministère. Chacun de ces dons est un ministère en soi. Ils sont des dons tout comme prêcher est un don. La guérison est un don. Comme d'autres choses sont des dons. Et ce sont des ministères particuliers. Suivez maintenant cette vérité. Et il est exigé de chaque homme d'exercer son propre ministère. Pourquoi cette vérité? À cause de la diversité des ministères que Dieu a instauré. À cause de la diversité d'opérations des dons que Dieu a instauré. Il est exigé de chacun d'exercer son propre ministère. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui prophétise exerce la prophétie selon l'analogie de la foi. Et que celui qui préside les fasses avec zèle. Que celui qui a le don de libéralité les fasses avec joie. Chacun doit faire son propre travail. C'est le même Seigneur de chacun de nous. Il y aura diversement. Pas de confusion. Il est tout en tous. Que son nom soit glorifié. Êtes-vous là? Alors dans une fonderie, je reviens à la fonderie. Dans une fonderie, le fondeur qui doit fabriquer une cloche ou un quelconque instrument sonore, il doit respecter les mélanges dans la fabrication de son outil qui veut produire. Il doit savoir quel quantité de ceci mettre ici, quel quantité de cela mettre, du fer, de l'airain, du nitre, de l'or. Bonjito, y'a eloko na eloko. Et tout cela. Olo. Nous comprenons simplement que c'est important. Alors, avançons maintenant. Je reviens à la situation. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous allons parler de la fonderie. Paragraphe 185. Il dit ceci. Il dit, quand il prépare son moule et il verse le métal, il met tant de reins, tant d'acier, tant de cuivres. Pourquoi cela? Il connaît exactement les proportions à mettre qui vont lui donner les sons qu'il faut. Et c'est ce que Jésus a fait pour son épouse. Qui dit amen? C'est ce qu'il a fait. Et si vous êtes membre de son épouse, c'est ce qui vous concerne. Vous n'allez pas vous cacher ni vous exalter. Il a dit mettre tant de doctrines lutériennes. C'est ainsi que vous trouvez parmi nous un peu de chants de ces protestants-là. Un peu de chants de ces méthodistes-là. Un peu de chants de ces presbytériens. Un peu de chants que chantent les pentecôtistes. Mais aussi des cantiques nouveaux de notre foi. De sorte que tant que nous avons besoin de l'église, et à la Outawapi, tu dois te retrouver. Amen. Amen. Tu dois te retrouver. Je peux causer moi. Parce qu'à un moment, nous chanterons une chanson de ta vieille église. Et tu n'as pas besoin de voir une bonne mission. Mais on va dire une différemment. Ah, mais nous sommes super à ce que j'ai dit. Oui, à quoi la Bible dit, parce que la Bible a dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais ce chant-là des presbytériens que nous chantons, c'est quand nous trouvons en eux que ce qu'ils disent est conforme à la vérité confirmée. Amen. Mais si dans un texte du chant, nous trouvons des choses qui étaient injustes, voilà pourquoi nous corrigeons les cantiques. Nous corrigeons les phrases. Et même dans nos cantiques ici, croisellement aux annas, bien qu'imprimés par des frères du message, nous continuons à corriger. Parce que nous ne sommes pas des adeptes des fabricants de recueils de cantiques. Nous sommes les adeptes de la vérité. Amen. Nous Amen. Devons chanter ce que nous croyons. Amen. Quand ce qui nous est proposé n'est pas conforme, nous barrons et nous mettons ce qui est vrai. Amen. Attends, on a un candidat tous les nabango y a nzembo. Y a osana tout quoi seulement. Qui nous le met tous les coco banako sembo la mama kambu. Où est-ce que tous les bandimi bobele abatu basali bani kanda banzembo te. Quand tous les ne bandimi ya solo y a ni loba ya solo. Nabongo toyem bakawo biso toni maka. Voyez. Bomoni. Et Dieu soit loué pour sa grâce. Zambe azongolo penza sansola mapona ngolo nayi. C'est vrai. Oui. Et il dit ceci. Alors, oui. Ce qui se passe dans la fonderie, c'est ce que Dieu a dit faire pour son épouse. Oui, ça la makana bisika banangola kawana nde o penzambe asalaki pona mwasi nayi. Alors il a pris, il a dû mettre un peu de doctrine luthérienne. Atia mwanda mbo ya matei na batali. Un peu de doctrine méthodiste. Atia mwanda mbo ya matei ya luthérienne. Quand les luthériens disent que le juste vivra par la foi. Est-ce que nous allons nous dire comme Bangonde Balobakango bisoto ko limakango te? Alors que c'est la Bible qui le dit. Na bongo batona lutte le tang Balobakango bolete. Mu yende beni akobika na sana ko dimana ye. To ko ba lokola lokola batia lutte na balobibo bisoto ko bayango te. Ndaka ndo bibiye ndo bibongo. Mais quand les méthodistes disent la foi c'est bien, mais nous devons nous sanctifier. Allons-nous vouloir contredire simplement parce qu'il s'agit des méthodistes? Alors que la Bible a dit que Dieu vous a appelé à la sanctification. Donc nous avons pris toutes ces vérités bibliques éparpillées là. Et ces gens croient en partie. En rejetant les autres, nous les intégrons dans notre foi. C'est Dieu qui a fait ça. Et au-delà de ça, Malachie 4, 5, 6. Malachie 4, 5, 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Les pentecôtistes ne croient pas. Nous, heureusement, nous croyons. Donc, même les choses qu'eux rejettent, mais qui sont des vérités bibliques, nous, ça y est dans notre doctrine. Parce que nous sommes du plein évangile. Amen. Amen. C'est pas vrai. Bongo, les amis. Et qu'en résulte-t-il? C'est son propre reflet. Quand Dieu le fondeur fait ça, pour son épouse, en prenant que vérité sur vérité sur vérité, vous allez sembler dans l'épouse de l'épouse. Qu'est-ce qu'il en résultera? Son propre reflet. Comment cela? Tout comme le message de la pyramide. Vous voyez, cela s'accumule jusqu'à devenir la minorité pour la pierre de paille. Suivez cette vérité à laquelle je vous amène sciemment. Le ministère de Jésus-Christ. Le temps de Jésus-Christ. Sur la terre doit être le même que celui qui l'avait. Amen. Sans quoi il ne peut pas venir. Amen. Ce qui m'a fait salamité, moi ça m'a fait, après qu'il y a ta vérité. Avant que lui, l'homme physique ne revienne pour l'enlèvement. Parmi les conditions préalables, son ministère à lui Jésus-Christ, sur la terre dans son église, doit être lui-même que celui que lui avait. Attendez, Jésus ne viendra pas. Amen. Or, c'est ce ministère-là qui doit venir. Il y a pour tâche, entre autres, d'identifier la venue du Seigneur. De préparer et identifier la venue du Seigneur. Nous y sommes. Acte 3 l'a dit, on l'a relu aujourd'hui. Verset 20-21. Afin que des temps de rafraîchissement vous soient envoyés de la part de Dieu. Et qu'il vous envoie, amen, amen. Oui, Dieu vous envoie, amen. Celui qui vous a amen, été destiné, amen, amen. Jésus-Christ. Amen. Mais ce Jésus-Christ-là doit rester au ciel. Amen. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mon Dieu a parlé anciennement. Par la bouche de ce saint prophète d'autrefois. Or, qui doit rétablir tout ça? C'est Élie le ministère de Élie. Nous savons la capitale de l'homme. Le message du rétablissement de tout ça. Et par son ministère. Le ministère de Jésus-Christ a reproduit précisément, exactement. Et ça ne l'est pas. Et ça ne pense à siki. Et si cela se fait, alors l'église épouse vous êtes mis en route, amen, en amen, orbite, amen, pour accueillir le retour de Christ. Ce qui vous salaire, vous salaire, vous salaire, vous salaire, vous salaire, vous salaire, vous salaire, vous salaire, en prenant sa propre voie, en suivant les voies des hommes, alors qu'il sera déconnecté du retour de Christ. Parce que c'est son ministère à venir qui devra identifier la vérité du Seigneur. Qui aime la vérité pour dire amen? Alléluia. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, ne suis pas les égareurs. Comprends le plan de Dieu pour notre temps. La venue du Seigneur est effectivement très proche. Mais avant que cela n'ait lieu, c'est comme dans la pyramide, il faut qu'on arrive à une minorité. Sa base est toujours élargie, mais son sommet est pointu. Là-bas dans la pyramide, il y avait des marches. Et c'était justement cette marche. Cette marche de la pyramide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez là. Mais alors, la pierre de fait qui est au sommet, quand vous allez visiter les pyramides d'Égypte, elles sont plates au sommet comme ça. Parce que tous les pharaons d'autrefois n'avaient jamais voulu poser la pierre angulaire par la main humaine. Mais c'était prophétique. Dieu a inscrit son message dans les pyramides. La pierre qui vient là-bas devait intervenir et se poser sans le secours d'aucune main. Alors, l'Esprit de Dieu, appelé Zorobabel, c'est lui qui devait poser la pierre principale de l'angle. Il a dit en Zacharie, ce ne sera ni par la force, amen, ni par la puissance, amen, mais c'est par mon esprit qu'il est très des armées. Grâce pour elle, l'église épouse. Il posera la pierre principale de Mais mes petits amis là-bas, au fond du couloir, sont connectés à l'esprit. Ils sont acclamés. Vous êtes restés là, on tape les mains, l'esprit vous tape les mains, mais non, vous ne saisissez pas, vous êtes en train de regarder. Mais mes petits enfants, et voilà, la petite Salem, avec consolate, était assise pour clôturer le couloir ici. Et voilà qu'elles ont acclamé automatiquement. Grâce pour elles. Les petites, que Dieu vous bénisse. Voyez, elles sont même là. Mais Dieu tire sa gloire et des enfants. Amen. Je crois que c'est pour se réveiller pour l'adulte. qui prétend être déjà arrivé. Yo kanisa to mikomeni. Ede alubi bana na bino bako devant prison na bako sina zambe. Bosala ke ba ermoko. Kolala ka troti. Ah bon. Et bola? Bozani wana. Zala ka na expectative. Moto ba dubu kasa. Hein? Buku buku. Kandami na makamu ya kasa. Eveye. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre doit être le même que celui qu'il avait. Sans quoi il ne peut pas venir. Oui, la pierre doit venir trouver quelque chose qui va l'accueillir. Mais vous avez ici l'église. Mais vous avez au sommet un ministère. Un ministère de conciliation. Nous salons comme c'était le cas. Ici dans la pierre angulaire, on devait considérer comme dans la pierre angulaire ici. C'était la même forme que la pierre fêtière, la pierre du sommet. Ici, il y avait l'amour à Agapao. Mais il y avait un office ici au coin. Et c'est la personne qui reçoit les visiteurs pour l'introduire auprès du roi. Vous voulez voir le roi? Alors, vous passez par le portier. Il y a un portier là-bas. Il y a un portier. On dirait comme un huissier. Mais c'est un portier. Une personne importante. Quand elle n'est pas en poste, l'accès au roi est fermé. Parce que c'est lui qui tient la clé. C'est lui qui gère le carnet d'adresse. C'est lui qui connaît la position du roi. Il est mort ou s'il est veillé pour vous recevoir. L'office qui est là-bas. C'est un portier. Il prend le message qui vient d'ici. Il l'amène auprès du roi. Quand le roi acquiesce, alors l'invité peut passer. Le royaume c'est comme ça. Si vous étudiez ces pyramides, vous faites attention à l'office, à la fonction qui est établie là, avant d'accéder à la chambre du roi. Vous comprendrez le ministère qui s'avance maintenant. Si vous étudiez les pyramides, ce qui botagne madame pyramide, et que vous faites attention à l'office qui est là, pas botagne la musala est en place les mawana. Oh, attention, c'est le portier qui est là. Na lolenda capitaine est tout là. Alors vous comprendrez le ministère qui s'avance maintenant. Na bende boko solola, madame koyeba, musala est en place. Le dernier jour à notre temps. Na mikolo ya sukara tangu na biso. Voyez ce que c'est? Vous m'avez amené ni? Vous voulez voir le roi être pris par lui. Quand le moment sera là, lui la pierre fêtière, il viendra dans les secours d'aucune main. Pourquoi faire l'église? Se poser sur l'église et emporter tout l'édifice en enlèvement. Mais le ministère qui est chargé de relier les deux. Moussala Oyo et Pesameli. C'est le messager du temps de la fin. C'est Malachi 4, 5 et 6. C'est Luc 17, 30. Apocalypse 10, verset 7. Jean 14, verset 12. C'est le ministère qui va réunir les deux. Maintenant, pour que l'alliage soit parfait, il faut que la taille ici du peuple en nombre et en qualité. Nombre de gens et qualité. Qualité des gens et qualité du travail spirituel. Qualité de vie et qualité d'œuvre. Que ce soit textuellement pareil à ce que Jésus-Christ était. Cette taille doit être la même qu'ici en bas. Nous n'aimons pas. De sorte que quand la pierre va se poser sur l'édifice, on ne voit aucune irrégularité, aucune discordance, aucune imperfection, mais que ce soit irrépréhensible, parfaitement uni et aligné. Sans que l'œil ne s'achoppe en rien. Une unité parfaite. Je vous dis que Dieu le réalisera. Pourquoi l'église du Seigneur va de minorité à minorité. Le nombre et la qualité va s'aménuiser. Mais dans la minorité des élus, cette dame qui a l'épouse de Christ, élu du Seigneur, qu'elle s'agisse à la forme de son épouse. Qu'elle aille la taille de robe qu'il faut. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Amen. Comprenez que Dieu est en plein travail maintenant. Et que nous sommes façonnés. Nous sommes taillés. Nous sommes modélés. À l'image de Jésus. Et que nous sommes ministères. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même était un Nazaréen. C'est pour cela qu'il a grandi et fait beaucoup de choses à Nazareth. Mais le fils qui prépare sa venue maintenant, et il lui a été dit, ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis encore d'aucune chose. C'est une œuvre qui te doit accomplir quand tu seras plus âgé. Et Dieu est fidèle. Les hommes peuvent se moquer et rejeter. L'incrédulité des humains n'en reste jamais. Amen. Son programme prospère. L'évangile avance vraiment. À ce moment-là, le ministère de Jésus-Christ sur la terre doit être le même que celui qu'il avait. Sans quoi il ne peut venir. Oh, c'est très comme la tête par rapport aux pieds. Les pieds ne sont pas la tête. Et la tête transporte les pieds. Vous faites que les pieds se déplacent. Il leur dit, où est-ce qu'ils doivent aller? Vous comprenez? C'est beau, c'est la lumière pour 7 heures. Amen. C'est très beau. Et je veux lire dans l'état présent de mon ministère. Encore une bonne carte pour vous. Je l'apprécie pour nos âmes. Péché le 8 septembre 1962. Paragraphe 92 ou 92. Et s'il y en avait aujourd'hui, Ce qui est dans la candelle est là. Ça serait pareil. C'est exactement la vérité. Vous pouvez en venir là. Cela doit arriver. Yango et Kosalema. Hein? Cela doit arriver. Et Kosalema. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que un homme qui aurait un ministère pareil devrait tenir le monde entier sous sa domination. C'est ce que les gens pensent. Un homme qui aurait ministère pareil, que nous expliquons ici, il devrait tenir le monde entier sous sa domination. Il le devrait. Donc, mais ils ne veulent pas être sous domination. Tout en réclamant qu'un homme qui aurait un ministère pareil devait tenir le monde entier sous sa domination. Et vraiment reconnaît que cet homme-là qui aura un ministère pareil devrait tenir le monde sous sa domination. Ni le monde. Il abandonnera ça sous la domination de son maître. Vous voyez que l'homme en question est différent de son maître. L'homme en question, malgré le grand ministère, il n'est pas son maître. C'est un ministère important dans le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Mais il laisse lui-même son ministère sous la domination de son maître à lui. Le maître, c'est lui le fils de l'homme. Mais le ministère du fils de l'homme se retrouve dans ses pommes. Et quand le fils de l'homme prend son ministère, les met dans ses pommes. Cet homme ne peut pas prendre son ministère et le placer sous sa domination personnelle. Sans vouloir dominer le monde. Mais il laisse le tout sous la domination du maître du ministère. Qui est le seigneur de tous les ministères. Que lui domine et règne. Et lui seul dirige la chose de Dieu. Voilà notre message. C'est la lumière pour notre temps. C'est la lumière de cette heure. N'allez pas dans les confusions. Ne mélangez rien avec le monde. Gardez la vérité à sa place. Il abandonnera ça. Donc le ministère sous la domination de son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ici pour se représenter lui-même. Mais il représente son maître. Mais tout en ayant le ministère du maître lui-même. Mais il n'est pas là pour se représenter lui-même. Vous là, ne passez pas tout votre temps à nous présenter Branham. Vous faire représentant de Branham. Présentez-nous la parole. Présentez-nous le service divin. Hein? Laissons chaque chose à sa bonne place. Il n'est pas venu pour se représenter lui-même. Mais il est venu pour représenter son maître. Et son seul maître, notre maître à nous tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le sauveur du monde entier. Es-tu sincère pour dire amen? Amen. Oh mon cher ami, vois vraiment ces choses pour que nous soyons heureux. Je vais lire ici pour terminer dans la prédication l'alliance confirmée d'Abraham. L'alliance confirmée d'Abraham prêchée le 10 février 1961. Le paragraphe 88-91. Quel dit Frère Branham? Branham voulez-vous avaler encore? Aussi vous êtes plein, hein, rassasié. Alors, nous pouvons lire. Vous allez prendre votre repas de midi bientôt. Soyez patients. Donc, mais la parole c'est pour la vie éternelle. Alors, dis ceci. Maintenant, remarquez. Avons-nous vécu dans l'âge luthérien la justification, justifié à la base, l'installation de pierres de fondation. Luther. Et avec Wesley, nous avons cru dans la sanctification. Et on est devenu une minorité. Et avec les pentecôtistes, c'est encore le baptême du Saint-Esprit. Et on est devenu une minorité. Mais suivez attentivement. L'église qui arrivera jusqu'au sommet de cela. Juste au sommet de cela. Cette église devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. De sorte que quand cette pierre viendra, elle s'ajustera parfaitement. Dans la cannelure. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Vous sentez? Ok. C'est délicieux. C'est glorieux. Ils allaient à tombe. Hein? Ruminez ça. Et écoutez ça. Amen. Oh, si seulement vous pouvez comprendre et saisir ce dont je suis en train de parler. Ce qui m'a dit, c'est que je suis en train de faire mal à mon père, ma camionnette de Koloba. Lorsque le ministère même que Jésus-Christ accomplissait ici sur terre. Quand on le tombe, on le supplie, c'est mon père. Lorsque ça retournera, son ministère qu'il avait à la Pentecôte ne devra pas s'étendre pour devenir une organisation. Mais il prendra forme en Christ. Jusqu'au point où la pierre de feu de l'église s'ajusteront. Et elles seront tellement soudées que vous ne pourrez même pas prendre une lame de rasoir et la faire passer tout autour et trouver une tissue. À l'endroit où ces pierres ont été entreposées. Et c'est à cela que l'église doit venir. Devenant tellement semblable à Christ. Est-ce que vous remarquez que dans la dernière citation, il ne s'agit pas du ministère d'un homme. Non. Il s'agit du ministère de l'église. Et comme il est le tome de l'Église. C'est l'Église qui arrivera jusqu'au sommet. Mais concernant l'homme dont nous avons parlé, lui est déjà venu. Il a exercé son ministère. Et Dieu l'a repris dans la gloire. Mais l'Église qui doit arriver jusqu'au sommet va arriver au sommet en question sans cet homme-là physiquement. Mais cette église-là, ira de minorité en minorité, mais elle doit avoir en son sein un ministère de l'époux qui sera exactement semblable à celui qu'avait Jésus-Christ. Laissez chaque chose à sa bonne place. J'espère que quand vous lisez le message, vous êtes éclairé pour ne pas confondre les choses. Dans la présentation ici, il n'est question que de l'église, pas d'un serviteur particulier. Mais le ministère de l'épouse de Christ. Il doit reproduire Christ. Mais ayant été entraîné par le ministère d'un messager, amen, qui devait servir de référence, amen, aux croyants de ces temps-ci, qu'ils sachent à quoi regarder quand ils s'attendent au retour de Christ. Amen. Na bongo, mosala ya ekelezi. Mosala yango ezalinde kosale mapwete ekambama kito elakisamaki na mutu moko oyo alakisaki bango na ntino tetangu bakosala na kozalaka boye na Kristo bayeba. Et c'est à cela que l'Église, non pas le messager ou un ministre de l'Évangile, l'Église, qui entendons ces choses, nous sommes concernés. C'est à cela que l'Église doit venir. Devenant tellement semblable à Christ. Mais voyez-vous pas Paul dans 1 Corinthiens 11 dire, 1 Corinthiens 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Et Paul était le messager du premier âge de l'Église. Et Jésus-Christ était l'alpha en ce temps-là. Mais il n'est pas qu'alpha, il doit être oméga à la fin. Et c'est le dernier âge de l'Église. Le messager modèle est suscité. Et c'est le référent. Voyez ça, un homme consacré aux choses de Dieu. Il démontre de tout notre cœur. Écoutez maintenant, lui aussi a dit, ne puis-je pas vous dire comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Donc, ne peut-il pas vous le dire? Parce que Dieu l'a prédécidé à ça. À être le déclencheur d'un grand réveil. À l'échelle mondiale. Mais pour préparer le retour de Christ. Parce que lui, l'homme est passager. Il n'avait qu'un seul cycle de vie sous le soleil. Il a achevé, il est parti. Mais l'église est restée attendant le retour de Christ. Et l'église qui doit arriver au sommet doit reproduire en son ministère. Dans 14-12, manifestez encore. Dans l'ensemble de l'église. Non pas un homme particulier, mais l'église spéciale du Seigneur. Et c'est à cela que l'église doit en venir. Devenant tellement semblable à Christ. Et voyez ce que nous devons faire. Nous devons être séparés. Circoncis et taillés. Façonnés et modelés. À l'image de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que l'église et la pierre de fer agisseront parfaitement. observer l'ombre de ma main sur le mur. Là, c'est le paragraphe 92. Lorsqu'elle est à distance par rapport à moi, elle est diffuse. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approche, elle devient plus précise. Il n'y a pas de très gros doigts, ça devient de plus en plus petit et sombre jusqu'à ce que l'ombre, les négatifs et les positifs, et c'est ce qu'il en est de l'avenir. L'église, non plus les portiers seuls, l'église va prendre forme au point de n'avoir ni tache ni ride en elle. Amen. Amen. Amen. Voilà cette deuxième Bible. L'église doit prendre fort. La deuxième Bible, c'est les zodiaques. Non, le quoi, la pyramide dont il a parlé. Parce que la première Bible, il avait dit que c'est les zodiaques, la nature. La deuxième Bible, les pyramides. La troisième Bible, sur papier. Le livre que nous avons ici. Et Dieu est rendu parfait en toi. Mais d'après le message, c'est la deuxième Bible, la pyramide. L'église doit prendre forme. Être taillé, façonné, modelé à l'image de Jésus-Christ lui-même. Devenir tellement semblable à lui. Pour que quand lui Jésus-Christ viendra, ça s'ajoute à un corps sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, glorieuse et irrépréhensible. Le Père me dit, je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera. Dieu le fera. Y a-t-il quelqu'un pour croire de tout son cœur? Puis-je dire que Dieu vous bénisse richement? Que cette parole vive en chacun des croyants. Qu'elle produise les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé son matin. Je ne veux pas qu'un univers soit sans fruit. Mais que chacun de nous ait des résultats. Il ait des fruits chrétiens. L'évangile en action. Le royaume de Dieu en puissance. Et en manifestation. Shalom, shalom église. Shalom, shalom au baptême. Prenons-nous debout pour la prière. Oh, nous chantons cantique Hosanna numéro 162. Si au début, à l'ouest, le soleil s'est couché, il arrive à la fin de sa course, et il a manifesté le Fils de l'homme. Nous l'avons chanté ici au début. Ici à la fin maintenant, nous chantons. Jésus-Christ, divin modèle. Et pour que toi tu sois pareil à lui. Jésus, divin modèle. Amen. De chanter avec joie. Avec du cœur. De tout notre cœur. Chantant les louanges du Seigneur. Pour que la semence qui est tombée en terre soit arrosée. Qu'elle soit humidifiée. Qu'elle s'ancre plus profondément. Pour reproduire selon Jésus-Christ. Être comme lui. Puisses-tu le devenir? Taillez, façonnez. Modelez à l'image de Jésus-Christ. L'église doit en venir là. Chacun de nous, tout le monde. Prions chacun maintenant. Sincèrement et humblement. Ouvrons nos cœurs et nos bouches. Parlons à ce Dieu vivant, ce Dieu d'amour et miséricordieux, qui nous fait grâce et qui nous sauve par grâce. Il veut nous garder dans sa vérité et veut trouver la sagesse et sa vérité dans nos cœurs. Malgré que nous sommes nés dans le péché, prions chacun. Notre frère Soki va prier pour clôturer la prédication d'aujourd'hui. Drogondela. Zambé tatana biso ozali na likolo. bileyo pesibiso ezali bileyo oyo obongisaki pona mukolo na lelo biso bana na yo toyambi liloba na yo liloba oyo epesaka bomoi ya solo nkolo na ntango na suka otindeli biso liloba otindeli biso mosakoli na nzela na ye nde ozali kotalisa biso mabombami na yo yango wana seigneur jésus christ yo olakaki ete koya mpe lokola yo koya seigneur le même ministère oyo ozalaki na yango lelo oyo soki komonana na kati na lingomba na yo yango wana nzambe tata na biso oza na lola mpo na kolakisa biso ya solo nzela mpo ete elobami na malachi 4 elobami polele ete yo nzambe okotindela biso eliya mosakoli ntango ya koya seigneur ezali mpo alakisa biso nzela nazwa bamabombami nyonso atalisa biso na ntina ete biso totambola te lokola bato oyo bazangi boyebi me totambola lokola bato oyo bayebi nzela na ntina ete tokoma na esika na yo mpo yo olakaki kati na liloba na yo te okeyi kobongisela biso esika tokokoma ndenge nini soki yo olaki biso nzela te yo nde ozali nzela yo ozali bomoi yo ozali solo yango na elikya na biso ezepambola liloba na yo kati na mitema na biso na ntina ete nzambe na bolingo totambola te lokola bato oyo bayebi te me totambola lokola ba oyo bafungwami miso parce que elakamaki ete tokozala na ntango ya molili bongo na ntango ya molili lumière ekoya ntango lumière ekoya ekongenga seigneur lumière yango eza obele liloba na yo na nzala na mosakoli na yo yango wana tata tomitiki na maboko na yo yokela ndeko mwasi ndeko mobali mawa tozwa makambo oyo serie seigneur koya no esili kobelema seigneur jésus christ yokela biso mawa oyo nyonso azali kotambola na bolembu seigneur sunga ye etatelama ngwi aika mpiko o nkolo pesa na moko na moko na biso motema ya peto mpo ete na biblia elobi bayewana kaka bakozala na mitema ya peto bakomona nkolo o nzambe yosalela biso ngolu ya solo eza te oyo baza na ba vrai doctrine oyo baza na ba doctrine soki ya ndenge nini me ezali obele na bao baza na mitema ya peto seigneur motema ya peto yango nani akomipesa ye moko yo nde olakaki okolongola biso mitema na mabanga tokosa biso mitema na mosuni yango na tata yo nde oza kapa mpona kokosa yango na ntina ete biso o nkolo yesu kristo tobiangama lokola ezalaki na antioshe mokolo wana tobiangama oyo bakokani na yesu oyo baza basali na yesu seigneur salela biso ngolu message oyo eye kopesa biso lolendo te me kopesa biso tosimilie davantage mpo ete nkolo yesu kristo oyo amikitisaka yo matisaka ye merci mpona bolingo na yo merci mpona kimia na yo merci mpona bonso na yo seigneur merci mpona mosala monene osalaki mikulu na ngoma na golgota tomitiki na maboko no tata salela biso ngolu pambola mosali na yo nzambe pambola ye davantage seigneur mpo ete ata o nkolo biso bao toyoka message kala me ntango tozoyoka lisusu o nkolo ekomi biloko ya sika sampambola ye davantage topesa ye makoki nkolo mpona kokamba litonga oyo na nyonso oza lokumu tata obongi na yango na kombo na yesu kristo nde tobondeli yo boye amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.